Chapitre 4. Je ne sais trop quel parti prendre, se disait M. Bellet, qui fumait sa pipe à proximité du lingot d'or. Le vieux m'offre 2 000 $ pour délivrer le New-Yorkais et le mettre à l'abri des poursuites. 2 000 $ représentent un joli magot, sans compter que l'honneur d'avoir été choisi pour cette mission délicate vaut quelques centaines de dollars de plus. D'un autre côté, si les agences doutaient que j'ai aidé leurs prisonniers à s'échapper, ils ne se gêneraient pas pour raconter que j'ai reçu de l'argent d'eux. Alors gare les balles. Du reste, rien ne presse. Ils ne manqueront pas de ramener leur homme ici. Qui sait s'ils ne voudront pas arrêter le vieux et sa fille comme complices? Attendons les événements. Le monologue de M. Bellet fut interrompu par l'arrivée de la demoiselle en question, qui s'approcha en compagnie du vieux et du colonel. Ce dernier s'arrêta non loin de la buvette. « Tenez, dit-il, ici vous serez aux premières loges. De cette hauteur, on domine le sentier de la montagne et la crique. Holà, vous autres, des planches, des clous, un marteau. Il s'agit de construire un abri pour mettre mademoiselle à l'abri du soleil. Courage, miss, comptez sur Jim Hoxton. Les mineurs vous garantiront qu'il réussit dans tout ce qu'il entreprend. » Milly, ai-je besoin de dire que c'était elle, frissonna lorsqu'elle entendit répéter le nom du rival de son fiancé. Par malheur, le colonel ignorait la cause de cette agitation, et afin de la rassurer, il ne trouva rien de mieux que de prononcer un éloge éloquent de Jim. Tout à coup, le colonel lui-même ne put réprimer un geste de surprise. Il porta la main à la poche qui contenait son revolver et devint très pâle. Mais il retrouva bientôt son sang-froid, et avec la délicatesse d'un vrai gentleman, il s'éloigna un peu, tandis que Milly tournait les yeux dans la direction que lui avait indiqué le regard de son compagnon. Là, les bras liés, la barbe et les cheveux brûlés ras, les vêtements déchirés, le visage en sang, Ethelbert Brown marchait entre les deux agents de police, pendant que Jim Hoxton, la tête baissée et les mains derrière le dos, suivait à 5 ou 6 pas de distance. Quelqu'un avait donné l'éveil aux buveurs réunis au lingot d'or, car ils sortirent à la hâte. Le colonel, jugeant la présence des curieux inopportune, désigna le couple désolé, puis il dirigea le canon d'un revolver vers la porte de la buvette, où ses amis se retirèrent aussitôt. Milly, quittant son père, s'élança au devant de son fiancé, lui jeta les bras autour du cou et fondit en larmes. Jim, arrêté dans sa marche, leva les yeux, et une vive rougeur se répandit sur ses traits. « Je regrette de vous rencontrer ici, monsieur, » dit l'un des agents qui souleva son chapeau pour saluer M. Botaine, « quoique nous soyons pas fâchés de vous avoir devancé. »« Quelle somme faut-il pour acheter votre prisonnier ?» demanda M. Botaine. « Je suis vraiment désolé, monsieur, ce serait illégal, vous savez, » répondit le détective, qui jeta sur la pauvre Milly un regard plein d'une pitié sincère. « Ne vous tourmentez pas, » dit le colonel à l'oreille de M. Botaine. On fera entendre raison à ces gaillards-là et on remettra le New-Yorkais en liberté. Chacun ici a des motifs pour ne pas aimer la police et nous sommes les plus forts. L'affaire s'arrangera. Tant pis pour eux s'ils résistent. » Après avoir prononcé à voix basse ces paroles consolantes, il se dirigea sans se presser vers la buvette. « Je vous donnerai une somme égale à celle que la banque a offerte, » dit M. Botaine au moment où le colonel s'éloignait. « Impossible, monsieur, » répliqua le détective. « Vous n'y pensez pas. Récompense 5 000 $, perte de la banque 25 000, ça fait 30 000 $, sans compter les frais de poursuite. Nous ne pourrions pas accepter moins, et encore, cela ne serait-il pas très régulier. Mais on n'y regarderait pas de si près, vu que la banque ne tient qu'à rentrer dans ses fonds. » M. Botaine poussa une sorte de gémissement. « Allons, » continua le détective après un moment de silence. « Nous tâcherons de vous rendre la chose aussi peu désagréable que possible. Nous comptons prendre le vapeur à Sandpoint, et si vous désirez retourner chez vous par la même voie, nous laisserons notre prisonnier libre durant le trajet dès que nous serons larges. Cela vous évitera des ennuis. On arrête les gens, cela n'empêche pas d'avoir du cœur. Nous aurons l'œil sur lui, naturellement, mais de façon que personne ne se doute de la chose. J'espère qu'une fois de retour à Crankett, vous n'aurez pas de peine à vous procurer les 30 000 $. » « Non, je ne pourrai jamais réaliser une pareille somme, » répliqua M. Botaine. « Moi, je le puis, » s'écria une voix mâle et ferme. Milly, relevant la tête, aperçut pour la première fois celui qui parlait. Elle lui lança un regard où la surprise, la reconnaissance et la crainte se mêlaient. Les yeux bleus de Jim soutinrent ce regard sans se baisser. ils exprimaient tant de franchise et de respectueuse compassion que la jeune fille cessa aussitôt de trembler pour son fiancé. Les agents, à qui le colonel n'avait pas eu l'occasion de faire l'éloge de son ami, ne semblaient pas aussi rassurés. La mise négligée de Jim ne leur inspirait pas une confiance illimitée. L'un d'eux haussa les épaules, et les sourcils de l'autre parurent vouloir se relever jusqu'au bord de son chapeau. « La banque de San Francisco a un agent ici. Seriez-vous assez bon pour nous l'amener, colonel ?» dit Jim. Le colonel tourna sur ses talons et ne tarda pas à revenir avec un gentleman dont le costume ne ressemblait en rien à celui des mineurs. « L'identité de monsieur sera facile à constater, dit-il. Tout le monde ici le connaît. »« Oh, c'est parfaitement inutile, répliqua un des détectives. « Nous sommes très curieux par métier et nous apprenons beaucoup de choses sans avoir l'air d'ouvrir les yeux ou les oreilles. »« Alors, Monsieur Green voudra bien tout simplement constater l'état de mon compte ?» Monsieur Green ouvrit un carnet qu'il tira de sa poche et répliqua « Vous avez à la banque de San Francisco 2311 en chiffres ronds. Eh bien, fournissez un chèque ou un bon quelconque, dans la forme qui plairait à ces messieurs, pour l'équivalent de 30 000 $. Je le signerai. » Le mandataire se retira dans une hutte voisine avec l'un des agents et appela bientôt Jim. Celui-ci le rejoignit et au bout de 5 minutes, ils revinrent ensemble. « L'affaire est réglée, Maxley, » dit le détective à son collègue. « Nous pouvons le lâcher. » Ils s'empressèrent de détacher les menottes qui entouraient les poignets du prisonnier et Ethelbert Brown se trouva libre. Son premier mouvement fut de saisir la main de Jim. « Hoxton, je vous dois plus que la vie. » « Mais pourquoi avez-vous aidé les détectives à découvrir ma retraite ?»« Je voulais me venger, » répliqua Jim. « Vous venger ? Que vous ai-je donc fait ? Vous aimiez Milly ?» Brown regarda la jeune fille. Il comprit que son libérateur avait été son rival. Et il demeura plus intrigué que jamais. « Alors, pourquoi m'avez-vous délivré ? » demanda-t-il. « Parce qu'elle vous aimait assez pour vous suivre jusqu'ici, sachant ce qu'elle savait. » Sur ce, il s'éloigna.